Seigneur, rien n'est comparable à ta beauté. Rien n'est plus précieux que toi. Mes mots n'expriment pas ma pensée et n'expriment jamais réellement ce que je ressens pour toi. Cependant, ces mots-ci sont sincères. De tout mon cœur, je t'adore. Je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand je trouve la joie près ta montagne sainte pour t'adorer, car tu es la source de toute sainteté. Ton trône Adonai est éternel, fondé sur la justice et l'équité. Tu es celui que nul autre ne peut être, le Dieu souverain qui règne éternellement. Adonai, nous t'adorons. Nous élevons Etumbo la motema na bongisi pona kobonzela yo mbeka. Loyembo a motema na ngai.